vous me faites courir. J'avais oublié la playlist. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, c'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 633. Nous sommes le 9 avril 2025. C'est pour vous prouver qu'on est en direct. Et ça pourrait être enregistré, remarquez. L'album de la semaine, c'est l'album Memory Almost Full de Paul McCartney en 2007. On écoutera Dance Tonight, Ever Present Past, House of Wax, Only Mama Knows, That Was Me et Mr. Bellamy. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera It's So Hard sur Imagine. George Harrison nous chantera I'd Have You Anytime. C'est une chanson que lui a donnée Dylan, il me semble, sur All Things Must Pass en 70. Quant à Ringo Starr, ce sera l'excellent Have You Seen My Baby sur Ringo en 73. Nous commencerons les Beatles avec Good Day Sunshine parce qu'il commence à faire beau et autant profiter de la vie. Tout va bien, tout est très très bien. Et ce sera Good Day Sunshine sur l'album Revolver en 66. Pour le reste, je vous propose de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, c'est facile. Vous demandez à entrer dans le groupe. Dès que je m'en rends compte, je vous mets dans le groupe et vous allez chercher le topic qui est tout en haut, celui sur lequel figure l'album de la semaine. Là, c'est un siège. J'ai fait exprès de supprimer le nom de l'album. Mais c'est un siège puisque l'album Memory Almost Full ne présente pas pour une fois un visage de Paul McCartney, mais juste un siège sur lequel il y a marqué Paul McCartney Memory Almost Full. Voilà, ça se termine. Donc nous allons commencer avec Dance Tonight. Bonne soirée sur RG. On est ensemble jusqu'à 22h. Un peu plus, on va mettre toute la programmation puisque Eric n'est pas là. Bonne soirée à vous toutes et tous. En 2007, après avoir fait la une des tabloïds britanniques pour son divorce avec Heather Mills, Paul McCartney retrouve les colonnes des périodiques musicaux avec Memory Almost Full, 20 mois seulement après la consécration de Chaos and Creation in a Backyard. La particularité de ce disque est d'avoir été réalisé en deux temps. Paul McCartney en a enregistré une bonne partie avec son groupe habituel en 2003, avant que le projet de Chaos and Creation ne se profile. 3 ans plus tard, McCartney reprend l'ouvrage là où il en était. Il réécoute tout ça et retourne en studio pour en parfaire certains aspects et enregistrer de nouvelles chansons, mais cette fois en jouant seul de la plupart des instruments. L'homogénéité de l'ensemble n'a en rien été affectée par ces années d'écart et ces approches différentes. David Kane, le producteur de l'excellent Driving Rain de 2001, est à nouveau derrière les consoles. Le succès critique et commercial de Chaos and Creation aurait pu inciter McCartney à en reproduire la formule gagnante, comme il lui arrivait parfois de le faire par le passé avec d'autres albums. Mais ses suites ont toujours été considérées comme de plus pâles copies, moins habitées que leur modèle. Cette fois, Paul a décidé de faire l'art du contre-pied. Alors qu'on aurait pu supporter que sa boussole indiquerait désormais le nord, c'est au sud qui nous entraîne, et cette fois-ci en volte-face assortie d'une légèreté faisant écho à la période Wings et à certains titres du début des années 80. Et cet effet miroir troublant n'aura évidemment pas échappé à son public le plus fidèle. L'art des demi-teintes et des épures fragiles de Chaos and Creation in the Backyard va donc céder ici le pas à un plus franc registre pop-rock. Pour le reste, eh bien on en parlera lors de la prochaine chanson. Voici la suite et c'est John Lennon. It's so hard, c'est si dur. George Harrison, en 1970, qui nous sort ce masterpiece « All Things Must Pass ». a trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.com. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good Day Sunshine sur l'album Revolver. Et ça a été composé par Paul dans la maison de John, un jour particulièrement ensoleillé. On s'en douterait un peu. Paul reconnut en 1984 qu'il avait été influencé par le Loving Spoonful, un groupe new-yorkais qui venait de placer deux titres au sommet des charts américains, du You Believe in Magic et You Didn't Have to Be So Nice. La chanson qui inspira Paul ce jour-là était Daydream, qui était entrée dans le top 20 britannique en mai 66, alors que les Beatles enregistraient Revolver. Tout comme Good Day Sunshine, Daydream démarre sur une intro à la guitare, puis raconte une histoire d'amour favorisée par un temps maléfique. Et voici une autre chanson que j'adore, c'est l'une de mes préférées sur cet album-là. Si vous connaissez le clip, c'est sur ce clip-là, à l'époque, Paul McCartney a 65 ans. On le voit très très rarement sans un instrument dans les mains, que ce soit une guitare, que ce soit une mandoline, que ce soit un piano. Alors c'est pas dans les mains, mais il joue du piano. Et alors, quant à danser, à part dans Magical Mystery Tour, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu danser souvent. Et danser juste quand il descend les marches. Hein. Je voulais juste dire ça, c'était pas grand-chose. Sur Your Mother Should Know. Bon, eh bien là, dans le clip Ever Present Past, il danse. Bon, j'ai vu un making-of dans lequel les nanas qui dansent disent « La chorégraphie de Paul McCartney, elle est franchement pas très compliquée. » Oui, mais il a 65 ans et puis c'est pas danseur qui est sa spécialité. Moi, j'aime ce clip, je trouve original. On voit 150 000 Paul McCartney avec autant de belles filles aussi à côté de lui. C'est bien, 65 ans. Et j'en ai 61 depuis pas longtemps. Enfin, voici la chanson que j'aime beaucoup, « Ever Present Past » sur RIG. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. But the things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying. But still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by, in a flash. It flew by, it flew by, in a flash. Far too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. I think I did when I was a kid. What's the things I think I did? I think I did. The things I think I did when I was a kid. When I was a kid. L'art des demi-teintes et des épures fragiles de Chaos and Creation va donc céder sur cet album Memory Almost Full le pas à un plus franc registre pop-rock. Si McCartney nous invite à remonter le temps musicalement, il adopte mentalement ce même cheminement. Nombre de ses chansons font ici référence à l'enfance, à l'adolescence, aux 60s. A l'inverse, dans l'une d'entre elles, il va jusqu'à imaginer sa propre mort. On l'écoutera pratiquement en fin d'émission. Le temps rôde ainsi entre les diverses plages musicales, comme si l'horloge intime de l'ex-Beatles donnait des premiers signes d'affolement. Questionné sur l'aspect rétrospectif de ses multiples arrêts sur image, Paul concède le fait, tout en rappelant que ça n'est en rien franchement nouveau, et que son répertoire tout entier fourmille de ses projections dans le temps. D'un strict point de vue musical, Memory Almost Full offre une vaste palette de genres musicaux, et on n'y retrouvera pas deux titres qui empruntent le même sentier. Entre une légèreté assumée et des climats parfois très sombres, McCartney fait le grand écart sans jamais perdre en route son auditeur. Dans cette grande valse des styles, il affiche un savoir-faire à toute épreuve et une toujours aussi déconcertante habileté. Bring your sweet loving, bring it on home.

mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. No. Your mother should know. No. Your mother should know. Your mother should know. Quand on est fan de la saga des Fab Four et fan des Beatles, l'intérêt de ces anthologies, c'est de pouvoir voir comment ils ont travaillé les chansons. Là, ils ont fait cette version-là pour Your Mother Should Know, et puis, sans doute McCartney, peut-être George Martin, je ne sais pas, a dit, on va essayer autre chose. C'est pas mal, mais on va essayer autre chose. Et puis, ils ont fait autre chose, et c'est la version finale que vous connaissez, et que sans doute vous préférez, même si, quelquefois, c'est intéressant d'écouter des versions différentes, c'est plutôt sympa. Que faisiez-vous hier soir? C'est pas moi qui le demande, ce sont les Traveling Wilburys sur RIG. Where were you last night? You were so uptight. What did you do? Que faisiez-vous la semaine, la nuit dernière? Mais c'était où étiez-vous la nuit dernière? Ah oui, non, mais il faut être précis dans la saga des Fab Four. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine de la saga des Fab Four numéro 633. Oui, oui, 633. C'est Memory Almost Full de Paul McCartney. Et un nouveau titre, House of Wax sur RIG. House of wax, for it's been Radio, on vous propose ça. La saga, c'est la saga, c'est la saga des papas. John Harrison, John Harrison, dans la saga des papas. Beaucoup plus léger. George Harrison en 1975 sur Extra Texture, Read All About It, You. Et à un moment donné, il dit I love you, you love me, blablabla. Bla, bla, bla. La joie, la bonne humeur, tout va bien. Et vous êtes sur RIG, c'est la saga de Fab Four. I Alors ça, quand vous aviez le vinyle, c'était la première chanson de la face A. Quand vous retourniez le vinyle, il y avait un titre d'une quarantaine de secondes qui disait « A bit more of you ». On reprend. George Harrison avec « Il en reste un peu, je vous le donne ou je vous le donne pas ?» C'était George Harrison en 75. On reste avec lui, la chanson suivante, j'aime beaucoup aussi, « Can't Stop Thinking About You ». Je ne vous dis pas à qui, mais c'est le titre de la chanson, et je n'y peux rien, c'est comme ça. C'est très beau. « Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. No good living without you. I can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. RIG 90.7. Vous l'écoutez également sur www.rigfm.fr. Cette émission existe depuis 1984. Alors, pas tout sur RIG. Enfin, depuis un petit moment, puisque nous en sommes à la 633e émission. Je crois que ça doit faire un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis sur RIG. Et grâce à RIG, il y a l'Internet, et donc vous qui pouvez écouter n'importe où, en France, en Belgique, en Suisse, où vous voulez. Hein. Même, il y a même quelqu'un, Yuji, qui nous écoute au Japon. Actuellement, il est 2h et quelques du matin, il lui arrive de nous écouter. Alors, quand on se parle en anglais, parce que mon japonais n'est pas terrible. Mais voilà, il y a également des personnes qui nous écoutent du côté des États-Unis sur la côte ouest. Est, sur la côte Est, et là-bas, il est 14h et quelques. Donc, bonjour tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four. Et voici à nouveau les Traveling Wilburys, Heading for the Light, sur RIG. Goes on in your mind. You are terrible. goes on in your mind. The other day I saw you as I walked along the road, but when I saw him with you I could feel my future fold. It's so easy for a girl like you to lie. Tell me why. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on in your mind? I met you in the morning waiting for the tides of time. Now the tide is turning, I can see that I was blind. It's so easy for a girl like you to lie. Tell me why. What goes on in your heart? Used to think of no one else, but you were just the same. You didn't even think of me as someone with a name. Did you mean to break my heart and watch me die? Tell me why. What goes on in your heart? What goes on in your mind? You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on in your mind? Nous sommes en 1965 et l'album Rubber Soul. What Goes On est l'une des quatre chansons que les Beatles jouèrent à George Martin le 5 mars 1963. Lorsqu'ils durent choisir le morceau qui succéderait à Please Please Me, les trois autres étant From Me to You, Thank You Girl et The One After 909. Composée par John quelque temps auparavant, cette chanson fut la seule que George Martin choisit de ne pas enregistrer ce jour-là, donc aucune preuve. Et elle fut oubliée jusqu'au 4 novembre 1965, lorsqu'elle fut tirée des cartons et réactualisée pour être chantée par Ringo. Paul et Ringo y ajoutèrent un nouveau couplet, ce qui permit ainsi à Ringo d'être crédité pour la première fois en tant que compositeur. Et oui, puisqu'après, la chanson composée par Ringo date de 1968. Donc, en 65, on n'y était pas encore. Lorsqu'on lui demanda en 66 quelle avait été sa contribution, Ringo répondit « Oh, à peu près 5 mots. » Allez, dédié à la femme qui est de l'autre côté du ciel, ou alors tout en haut de la France. En ce qui me concerne, John Lennon. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Thank you. belle chanson. Il avait réussi à composer une chanson, évidemment, dans laquelle il parlait de Yoko Ono, mais suffisamment universelle pour qu'on puisse, nous tous les garçons, parler de quelqu'un qu'on aime, une fille. Voilà, woman, une femme d'ailleurs, très exactement. Allez, l'album de la semaine, c'est l'album Memory Almost Full de Paul McCartney. Et ce nouveau titre, Only Mama Knows, sur RG. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles, entre 62 et 70, ou en carrière solo, à partir de 70, et même si eux-mêmes reprenaient déjà, faisaient la cover de quelqu'un, Chuck Berry, qui vous voulez, comme Harrison l'a fait sur des chansons comme Got My Mind Set On You, par exemple, ou Baltimore Oriole, comme Ringo Starr l'a fait sur des tas d'autres chansons. Je n'ai pas forcément en tête tout ce qu'ils ont pu faire. Même Paul l'a fait aussi, des covers. Bon, bref, c'est quelqu'un de connu ou pas. Et là, c'est quelqu'un de très connu, puisque c'est la reine actuellement. Sur son album qui est sorti, il est sorti en 2024. L'album s'appelle Cowboy Carter. C'est Beyoncé qui nous reprend Blackbird sur R&G. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Bien, la Beyoncé, très très bien. La chanson suivante, chanson ressemblant à ou les fils d'eux, etc. Je vous fais le tour en ce moment, vous vous rappelez de l'album, comment s'appelle-t-il déjà, All You Need Is Cash de 78, des Rottles, donc un groupe monté exprès de parodies. Ils ont fait d'ailleurs un film qui s'appelait All You Need Is Cash, dans lequel ces quatre garçons de Liverpool, qui, c'est très drôle parce que c'est toujours du presque, ils viennent de Liverpool. Leur histoire ressemble à celle des Beatles, mais c'est pas la même exactement. Leurs chansons ressemblent à celle des Beatles, mais ce ne sont pas les mêmes chansons. En voici un extrait, par exemple, justement. Cheese and Onions sur R&G. I have always thought that the

Excusez-moi, mais on est à des kilomètres au-dessus quand même. While My Guitar Gently Weeps, à l'instant, surérigé dans la saga des Fab Four. On revient, si vous le voulez bien, à l'album de la semaine, l'album Memory Almost Full, sorti en 2007. Les premières plages de l'album renouent avec une pop fruitée et enlevée que McCartney n'avait plus explorée depuis un bon moment. Comme Dance Tonight, une petite chose dont la contagieuse rengaine n'appelle pas à la morosité. Il y inaugure l'usage d'une mandoline, un instrument qui ne lui était pas familier. C'est en s'y initiant que la mélodie enjouée de cette composition a pris forme. Et si Paul n'a pas usé trois ramettes de papier pour en peaufiner les paroles, il faut pourtant accorder à Dance Tonight un immédiat pouvoir de séduction. Paru en single, ce titre lui donnera l'occasion de classer son 45e post-Beatles dans les singles dans le top 100. Dans une veine tout aussi heureuse, Ever Present Past distille aussi une énergie très communicative, fourmillant de pétillantes interventions instrumentales et bénéficiant d'arrangements ingénieux et efficaces. Dans le même sillage, See Your Sunshine rappelle les années 80 et le scintillement sonore de l'album Pipes of Peace. Un parfum connu s'échappe de ce qu'on a écouté il n'y a pas très longtemps, Only Mama Knows, interprété par un quatuor à cordes. Un court mais inquiétant thème ouvre ce titre avant qu'il ne soit brutalement interrompu par des riffs de guitare qui impulsent un départ d'un rock tonique et charpenté. Cette chanson rappelle sans qu'on s'en plaigne les effets typiques de marqueterie de la période Wings. On peut en rajouter encore un petit peu si vous voulez. Chanter avec une voix de fossé, You Tell Me est l'une des plages paisibles de l'album. Un climat pastoral et serein de cette tendre ballade acoustique rend grâce aux images dorées de l'enfance. Réminiscence incertaine de quelques étés ensoleillés, elle flirte avec les souvenirs légers et agit comme une caresse. Mr. Bellamy et Gratitude illustrent la capacité de McCartney à savoir planter un décor et à y installer une dramaturgie autour d'un petit scénario. Si Mr. Bellamy suggère des images de cinéma,

makes it easy for me. Good night, Vienna, on Apple Records and tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. C'était un petit extrait de pub fait par John Lennon pour Ringo Starr en 1974, puisque cette chanson, Easy For Me, qui est une très belle chanson de Ringo Starr, et date de l'album Goodnight Vienna, justement. Écoutez, messieurs, dames, Eric ne viendra pas ce soir. J'ai programmé un petit peu trop de chansons. Je vais vous les laisser, hein, d'accord, on les garde. Et puis, on va commencer par deux Beatles à la suite, extrait de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band en 1967. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? Souhaitons-lui un bon voyage, souhaitons-lui d'être heureuse comme tout. C'était sur RIG, She's Leaving Home, l'éternel, le fantastique Paul McCartney que vous retrouvez maintenant, alors 67 à 2007, 40 ans plus tard, avec l'album Memory Almost Full et cette chanson, Mr. Bellamy, sur RIG. You do. I like it up here without you. All right, Mr. Bellamy, we'll have you down soon. No one to tell me what to do, no one to hold my hand. Bellamy's got a lot to do, and I hope that you'll understand. Nobody here to spoil the view, interfere with my plans. Bellamy's got a job to do, and he's hoping you'll understand. Steady, lads, easy does it. Don't frighten him. Here we go. I'm not coming down, no matter what you say. Up here anyway. Sit tight, Mr. Bellamy, this shouldn't take long. In the delusionary state, no wonder he's been feeling strange of late. Nobody here spoils you, interfere with my plans. Bellamy's got Et vous savez que lorsqu'il y a un album de la semaine qui est centré sur Paul McCartney, il y a toujours un petit peu de plus. Donc là, ça aurait dû être le dernier extrait. Voici vraiment le dernier extrait de l'album de la semaine. C'est une chanson, alors on va dire, sur Abbey Road, il a fait allusion à la fin en disant « And in the end, the love you take is equal to the love you make ». Même John Lennon avait dit, ça c'est une phrase extraordinaire. Eh oui, quelquefois John Lennon pouvait dire des gentillesses. Très rarement. Ça lui est arrivé. Bon, eh bien là, il a fait une chanson, je sais, la seule fois. Il l'a appelée « The end of the end », la fin de la fin. Et lui, il voudrait que lorsque arrivera la fin, eh bien, tout le monde soit joyeux, qu'on rit, qu'on rigole, que tout se passe bien, quoi. Voici la chanson. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. And this wasn't bad, so a much better place would have to be special, no need to be sad. On the day that I die, I'd like jokes to be told and stories of old to be rolled out like carpets the children have played on and laid on while listening to stories of old. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place. A much better place would have to be special, no reason to cry. Quand ce jour arrivera, ce sera pas facile de ne pas être triste. Allez, j'ai bien plombé l'ambiance, mais vous êtes bien sur RG 90.7. C'est la saga des Fab Four numéro 633. Je suis avec vous depuis 20h et ce jusqu'à un peu plus de 22h. On va prolonger un petit peu puisqu'Eric n'est pas là. Je vous propose deux chansons pour presque terminer cette saga des Fab Four. Deux chansons de Ringo Starr. La première extrait de l'album Liverpool 8, c'est Harry's Song. Et la seconde, vous l'aimez beaucoup, c'est sur l'album What's My Name de 2019. C'est Thank You, Thank God for Music. Voici deux Ringo Starr à la suite sur RG. Of long ago, never fast and not too slow, a melody telling me some things should

fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers. Thank God. Thank God for music. Get ready, Freddy. Let's start the show. Rock steady, roll heavy. Oh, now here we go. Thank God. Thank God for music. Thank God for music. Brothers and sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God. Thank God for music. Get ready, ready, let's start the show. Rock steady, roll heavy, oh, now here we go. Thank God. Thank God for music. Thank God for music. Let's go back, back, back, back, back. Yes, it did. I,

Ah, il manque à la fin Love you, love you, love you. Et and in the end, the love you take is equal to the love you make. Et le aha, etc. Bon, ben, on arrête là pour cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté. Eric n'est pas là, donc comme Eric n'est pas là, juste après le générique, restez, il y a un petit bonus. Et je vous remercie d'avoir écouté cette 633e édition de la saga des Fab Four. À très bientôt, la semaine prochaine, puisque c'est déjà prêt, j'ai du temps en ce moment. Ce sera un live. Un live mettant en vedette George Harrison sur son Live in Japan. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce qu'en fait, ce sont les quatre qui sont ensemble. Voilà. À très bientôt, bisous filles, poignées de main aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four sur RIG 90.7. À bientôt, ciao. Let's go. That's the real thing, isn't it?